Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle de SF de Mario Fecteau, Prison cérébrale, que j'ai enregistrée avec Fred pour les éditions de l'avenir. Et voici Prison cérébrale. Les éditions de l'avenir présentent Prison cérébrale, une nouvelle de Mario Fecteau, paru à l'origine dans Octa numéro 52 en 1994. À mon bon ami Denis Nadeau pour le titre. Tu es fou, en es-tu conscient? Fou! Il me répétait sans cesse cette phrase, comme s'il avait pu m'amener à changer d'idée. Mais je voyais bien que le défi l'intéressait et que s'il cherchait à m'en dissuader, c'était pour ne pas succomber lui-même à la tentation. Après tout, j'avais touché sa corde sensible. Un médecin aussi renommé que lui, à travers toute la communauté scientifique, ne pourrait résister, je le savais bien, à ce défi. « D'accord, je suis fou », ai-je finalement répliqué. « Et alors, c'est réalisable, non ?»« Du point de vue strictement technique, ce que tu me demandes est parfaitement réalisable. »« Alors, qu'est-ce qui te tracasse ?» Mon médecin ne répondit pas, se contentant de mordiller sa lèvre inférieure. Je connaissais la signification de ce tic. Aussi, décidai-je de reprendre la parole avant de l'entendre me ressasser son vieux refrain sur l'immoralité de tricher avec la nature. « Écoute, je sens que tu vas encore me rabattre les oreilles avec cette histoire de moralité, mais regarde-moi. Tu sais ce qui m'attend ?»« Oui, je sais. Je suis ton médecin traitant. » »« Alors, qu'est-ce qui te tracasse ?»« Nous avons la technologie suffisante pour réaliser ce robot. Les membres artificiels disponibles en ce moment sur le marché reproduisent le toucher avec une sensibilité presque égale à celle du vrai sens du toucher. Les prothèses auditives, olfactives et visuelles ont presque autant d'efficacité que nos véritables sens. Ça, ce n'est pas un problème. N'est-ce pas? Ensuite, tu es le seul qui ait réussi à connecter un nerf artificiel directement sur le système nerveux. Et tu as affirmé pouvoir le refaire. Si j'avais connu le projet démentiel que tu avais en tête, je me serais tu. Je te crois. Mais tu as parlé. Maintenant, je te repose des questions. Si je construis un robot capable de reproduire l'ensemble de notre gestuelle, arriverais-tu à y introduire mon cerveau? Peux-tu me redonner la vie que la nature veut m'enlever? Je ne sais pas. Tu ne sais pas si tu peux ou si tu veux? Écoute, je n'ai même pas 30 ans et je vais mourir dans moins de 2 ans à cause de ma maladie. Mais je veux vivre. Que ma fortune serve au moins à ça, en plus d'aider la science. C'est avec cet argument, aider la science, que j'avais obtenu son accord pour transférer mon cerveau dans un corps de robot, faisant de moi le premier véritable cyborg de l'histoire. Merci. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Tu crois ça? Un jour, tu me maudiras. Et dire qu'à l'époque, j'avais ri de cette prédiction. Deux cents ans, c'est long. Mais ce n'est rien en comparaison avec l'éternité qui m'attend. Mon ami médecin n'avait pas su m'exprimer ses inquiétudes. Il n'avait pas réussi à me faire comprendre ce qui l'effrayait. Je devine maintenant ce qui l'avait tracassé. Notre robot était une pure merveille. Comme il bénéficiait des plus récents progrès de l'électronique, chacune de ses composantes surpassait en efficacité tout ce qui avait été conçu jusque-là. Puis, après qu'il eut passé tous les tests, on y avait inséré l'élément le plus important, mon cerveau. Nous n'avions plus affaire à une machine, un robot. J'étais, désormais, le robot. Au début, l'effet m'a semblé plutôt bizarre. Je ne voyais ni n'entendais plus tout à fait de la même façon. Mes sens, plus aiguisés, était assisté de nombreux décodeurs, si bien que je percevais dorénavant le monde avec une acuité supérieure. Mon cerveau, nourri par un sérum, était la seule partie biologique de mon être à subsister encore. Mon nouveau corps avait un avantage important sur le précédent. On pouvait remplacer un grand nombre de ces éléments. De plus, au fil des ans, les nouveaux éléments greffés ont sans cesse amélioré mon corps robotique. Mais ce n'était rien comparé à mon second corps que j'ai fait construire un siècle et demi plus tard. Déjà, une cinquantaine d'années après ma nouvelle naissance, une partie des connaissances que j'acquérais logeait dans des circuits intégrés hors de mon cerveau. Il semblait bien que, la technologie aidant, j'allais bientôt pouvoir loger mon intellect en entier hors de son support de chair. Je me suis penché sur le problème avec la même conscience professionnelle que celle qui m'avait permis de faire fortune. Il m'a fallu 100 ans, mais je disposais d'un esprit amélioré et j'ai fini par réussir. Je n'ai jamais regretté cette décision de me transférer dans un corps métallique. J'avais même proposé à mon ami médecin de me rejoindre lorsque la maladie et l'âge ont commencé à avoir raison de lui. Il a toujours refusé. Il est mort après plusieurs années de souffrance. Ce jour-là, le jour du décès de mon seul ami, fut le seul moment où j'ai regretté les quelques imperfections de mon corps métallique. Il n'avait pas de larmes. Ah, médecin, mon ami, comme je regrette le jour où j'ai réussi à te convaincre de m'accorder l'immortalité. Tu avais raison, ce n'est pas bien de tricher ainsi avec la nature. Et aujourd'hui, je te maudis d'avoir si bien réussi. Mon corps métallique est broyé, déchiré par l'amas de pierre sous lequel il repose désormais. Mes sens, mes merveilleux sens électroniques dont j'étais si fier, sont tous déconnectés. Mon esprit électronique ne reçoit plus le moindre stimulus extérieur. Personne n'a jamais été aussi seul dans toute l'histoire. Je suis irrémédiablement enfermé dans mon esprit, prisonnier de mon cerveau électronique, et j'attends la folie qui viendra inexorablement. Seul. Jamais je n'aurais cru connaître à ce point le sens de ce mot. Maintenant, je le goûte et sa saveur amère me remplit de haine. Cette malheureuse chute a fait bien plus que de me précipiter sous ces pierres, d'où je ne sortirai sans doute jamais, puisque personne ne m'a vu tomber. Elle m'a privé de tout contact avec l'univers. Ah, pierre, je vous hais, je vous hais! Mon esprit tourne à vide et s'emballe. Rien ne peut interrompre mon ennui, sauf le néant. Je t'attends, corrosion bénie, toi qui seul peux encore quelque chose pour moi. Car je n'ai pas le pouvoir de m'abandonner à cet oubli total auquel j'aspire. Je n'ai plus que la capacité de créer des scénarios en attendant une libération qui ne viendra peut-être jamais. J'invente des jeux, j'édicte des règles, et dans ma folie, je joue à gagner ou perdre. Aujourd'hui, hier, demain, je ne sais même plus ce qu'est le temps, mais cela me lasse. Maintenant, j'essaie de créer un jeu d'une telle complexité qu'il occupera sans arrêt mon esprit pris de folie jusqu'à ce que le néant vienne m'envahir. Un jeu ultime après lequel rien ne sera plus possible, même pour moi. J'ai trouvé. Au commencement, je créerai le ciel et la terre. La terre sera informe et vide. Les ténèbres couvriront l'abîme et mon esprit planera au-dessus des eaux. Alors je dirai « Que la lumière soit. » Et la lumière sera. J'appellerai la lumière jour et les ténèbres nuit. Je verrai que ce sera bien. Et voilà. Vous trouverez ce texte à l'avenirradio.canalblog.com. Visitez le site de la série de fantasy de Mario Feito à maitredupentacle.com. Audiocité.net est l'excellent site de livres audio libres et gratuits conçu et tenu par Fred. Merci de votre attention. À bientôt.